Le rat. La servante ayant, l'autre jour, tendu la souricière pour un rat qui l'empêchait de dormir, écoutait s'il mordait à la couenne de l'appât. Elle entendit, tout à coup, le piège se détendre et y courut joyeusement en deux temps trois mouvements. Mais en la voyant approcher, le rat, qui n'était pris que par la queue, s'enfuit l'attrape au derrière. La servante, en criant, se mit à sa poursuite. Les gens de la maison et les voisins accoururent au bruit, et tous ensemble de jeter au fuyard balais, bâtons, pincettes et tisons, de renverser les tables et les chaises, et de commencer un ourvari de sifflets, huées, bruit de poêles et de chaudrons, à briser les vitres. La bête, tout en traînant la ratière, réussit pourtant à grimper aux poutres. Par un trou du mur, elle gagnait la gouttière. Le pied gauche de devant lui manqua. Elle tomba à terre, et un jeune garçon lui mit la semelle dessus. Mais il ne fit que couper, dans les dents du cep, la queue du rat, qui, tout courteau, continua sa course à travers la cour. Il allait toucher à l'égout, un vieux coq l'arrêta et d'un coup l'avala sans cérémonie. Or, quoi ? Trouvant devant lui le chemin libre jusqu'au croupion, le rat ne fit que passer. Les gens de rire. Les gens de se remettre à courir. Tout étourdi et refrogné de l'algarade, le rat pensait se sauver encore quand il se jeta dans les griffes d'un maître chat qui était là, en embuscade, et qui, vous le pinçant par le dos, fut en grognant en faire ses choux gras dans un coin. Le trou et l'occasion invitent le larron.